arbres ont maigri tout l'automne. Je fais tout pour avoir mon sueur de lèvres. Je pensais de voir si j'ai le temps. Le flingue et mes putains d'habits sont neufs. Mes potes passent leur été à l'ombre. Et si j'ai rien trouvé pour m'attendrir, j'ai des rêves qui sont tombés à l'œil. Ah ouais. Mec, on est trois dans la même. Longue vie à nous, je devrais. J'ai perdu le souvenir de la veille. Sur ma tête, je suis seul sur ma taille. Moi, j'avais pas le temps de l'en faire. Loyal en eux. J'avais une lame sur la joue. Crois pas en eux. Là, j'en ai trois sur ma eau. C'est pas le flic qui fait la loi. J'suis pas dans un gym. Tu briques dans le froc. J'empile, c'est bon. Non. J'aime pas le bleu marine, j'aime pas couper à l'œil. On fait de la magie. Ma pussy parle anglais, français, espagnol et japon. Sans mon S, y'a que les charmants. Wavy, wavy, wavy, wavy. J'fais du lake, lake, lake, lake. J'ferais plier l'offre, t'es drôle comme Ali G. Moi j'fais du lake, lake, lake, lake. J'en ai une grande aménagée, plus la kitsch. Ma tasse t'éprends pas de bitch. Panamera, c'est quitter l'hexagone trop riche. En chemise blanche, qui vivra verra. Là j'en ai trois sur ma haut. Quel est le price? Mec, qu'on est trois dans la mer. Longue vie à nous, je devrais bien. J'ai perdu le souvenir de la veille. Sur ma tête, j'suis seul sur ma tête. Moi j'avais pas le temps de leur faire. Loyal en eux. Jamais une lame sur la joue. Crois pas en eux. Là j'en ai trois sur ma haut. Tu prends du cœur. Rip it, rip it, rip it, rip it. Garde, check. Et lick it, lick it, lick it, lick it. Quand les types deviendront grands et qu'ils seront plus les élèves. Ils vont reprendre le bordel avec des gants. En putain de Mac 11. Trois dans la même roue. Minuit sur Maloli, j'connais le code. J't'aimerais si t'avais des yeux verts et moi. Ils nous aiment pas tant pis, j'fais tomber mon œuf. J'vais construire ma rue. J'ai des principes un peu trop. Bébé, j'ai grandi avec. Elle voit ma scène d'équilibrer comme les grands astres. Ta tête, c'est qu'un contrat pour mes soldats. C'est plus que sept égards. On dort pour ceux qui viennent en touriste. La soirée des cris sous les draps. Des pleurs et du sang dans les peaux. Mais qu'on est trois dans la veine. Longue vie à nous, je n'ai rien. J'ai perdu le souvenir de la veille. Sur ma tête, je suis seul sur ma taille. Quand j'avais pas le calme de leur père. Loyal en homme. Jamais une lame sur la joue. Crois pas en eux. Là j'en ai trois sur ma haut. Les arbres ont maigri tout l'automne. J'fais tout pour avoir mon ancien de lèvres. Je passerai de voir si j'ai le temps. Mes flingues et mes putains d'habits sont neufs. Mes potes passent leur été à l'ombre. Ici j'ai rien trouvé pour m'attendre. Hier j'ai des rêves qui sont tombés à l'eau. Oh, les arbres ont maigri tout l'automne. J'fais tout pour avoir mon ancien de lèvres. Je passerai de voir si j'ai le temps. Mes flingues et mes putains d'habits sont neufs. Mes